le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. On en sait un peu plus aujourd'hui sur cette mystérieuse histoire autour du site Repairio.ca. En fouillant sur le net, j'ai découvert une série de personnes clés qui sont reliées dans cette affaire. Il y a d'abord Patrick Martin, un gars de Shawinigan qui a ouvert un blog au mois de mars dernier. C'est lui qui a pris la photo de la mystérieuse lumière au-dessus de la Cité de l'énergie dont je vous parlais hier. Il est actuellement poursuivi par des agents d'une police secrète qui tentent de mettre la main sur Xira, une femme qui dit venir du futur. Il y a aussi Marie-Claude Perron, une animatrice de Musique Plus qui enquête là-dessus depuis que quelqu'un a vandalisé son panneau publicitaire en y écrivant « Repairio.ca ». Patrick Martin et Marie-Claude Perron sont très actifs sur Facebook et Twitter, où ils ont ouvert des comptes dernièrement. Leur intérêt commun est d'aider l'énigmatique Xira à retrouver l'âme, même si personne ne semble encore savoir ce que c'est réellement. Une chose est certaine, c'est que tout ça ressemble de plus en plus à un ARG, un Alternate Reality Game en anglais. Un ARG, c'est une histoire interactive dans laquelle la fiction et la réalité s'entremêlent. C'est un peu comme si un cinéphile pouvait entrer dans le film qu'il regarde et influencer son déroulement. Pour y participer, il n'y a qu'une règle. Il faut prendre le jeu au sérieux et plonger comme si c'était vrai. Si l'expérience vous tente, rendez-vous sur repairio.ca.